Léa, on est samedi et tu es là, on s'en réjouit. Le temps passe vite, faut qu'on s'agite. Mais dis-moi pourquoi as-tu l'air si fatigué qu'après une randonnée? C'est que la route a été longue. Je ne retrouve pas mes tongs. Et si l'on va chez des amis, je n'aurai pas mon surimi. S'il n'y a que ça pour te regonfler, tu peux m'emprunter mes nu-pieds pendant que j'annule le dîner et nous prépare un jeu manger. D'un coup, j'ai envie de rigoler. J'aime quand je me sens considérée. Léa, on est en avril et tu es là, on en frétille. Le jardin fourmille de lapins. Mais dis-moi pourquoi as-tu l'air de ne plus aimer le chocolat au lait? C'est que je ne suis plus un bébé. Les cloches à vie dans les clochers. J'adore les jeux, mais voyez-vous, le tas d'amis, plus à mon goût. S'il n'y a que ça pour te rassurer, je vais ramasser ton panier, sortir les micros du SingStar et nous cuisiner des dollars. D'un coup, j'ai envie de rigoler. J'aime quand je me sens considérée. Léa, on est en été et la piscine est débâchée. Tu peux plonger, éclabousser. Mais dis-moi pourquoi as-tu l'air d'un poisson qui aurait le bourdon? C'est que j'ai mal à mes oreilles. Et sans valise, c'est pas pareil. Mes frères et sœurs sont fatigants. Et je suis loin de ma maman. S'il n'y a que ça pour te consoler, Alice pourra venir après. Appelle maman si ça te dit, pendant que je baigne les petits. D'un coup, j'ai envie de rigoler. J'aime quand je me sens considérée.